Ouais. Vénère. H24 sur le terre-terre. C'est le passé qui nous rattrape. Tire. La Zeg. Yeah, yeah. Aldo. DJ H. Ah. C'est du lourd. Série. C'est okay. A-Z-O. Ok. La prison m'a laissé des séquelles. Inutile de me défendre à la barre, car la juge au premier coup d'œil savait ce qu'elle allait m'infliger comme peine. Mes rimes ne sont pas si belles, mais j'aime à croire qu'ils soient aussi incisifs qu'un scalpel. Quand tu ressens ce que je ressens, si tu as vécu ce que j'ai vécu, à chacun sa tristesse et à chacun sa peine. Le pire pour moi a été de voir pleurer mon père pour la première fois autour d'une ferme. Quant à toi, maman, désolé de ne pas t'avoir rendu fier de moi. Ce sentiment de t'avoir déçu me rendra toujours amer de moi. Ne te fais pas de soucis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Souris, le passé ne se rattrape pas, c'est le passé qui nous rattrape. Les souvenirs, les sanglots, essayons de les effacer, ça ne tient qu'à moi. Mais le destin, je le tiens entre mes mains. Avancer sans se retourner, telle est ma devise. Jusqu'à maintenant, j'ai touché le plus bas sans attendre la mise. Malheureusement, Babylone me met des bâtons dans les roues, dans les rouages d'une société qui cesse de nous manipuler. Malgré les devises et les décrets, liberté, égalité, mais quelle fraternité. Pas la peine de te faire un dessin, inutile de remuer le couteau dans la plaie. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Vénère quand ton père. De l'argent des frères, des instants, des parents et des repères en une seule vie. Je rappe même dans une sale vie, grave le thème, cette sale vie qui nous sape, nous saigne comme un slarvy. Vénère après que j'ai bu une pression, quand j'ai la pression de voir tout vu, de voir la bulle, oppression, des sessions sur ceux qui tuent. Vénère de toutes ces manières, quand j'écoute la demeure, je suis sans doute déter. Écoute, je rêve pas d'être en poster sur ton mur, je rêve pas d'être en roster qui carbure sur ta tête. Je suis vénère, je le dis, je suis avec les nerfs, mes partenaires, amis, ennemis comme nobles, derrière un chromie. Pour ceux qui jacquent mon sob, pour ceux qui capent, je fais le job. Je suis apte, c'est smob, des beaux valcolinets vénères. Trop de frères enfermés qu'on soit nés dans une terre où l'air sans le fumier. Vénère, rattrapé par le passé. H, Stuart et Tire, ça vient du 7700, 7700. Vénère, rattrapé par le passé. Ça va vite. J'écris pour meubler le temps, faire faux plans, faux amis. Dans le même paquet, j'enveloppe mes rêves, mes soucis pour l'avenir. Incertain, comme une route mal éclairée la nuit. Je veux assouvir mes déserts sans l'aide de personne, sans emmerder personne. Pour m'entendre te rendre compte, y'a toujours des comptes qui se rendent, qui concernent personne. Arco, instigateur du bordel, investisseur dans les bons bordels. Divertissant, teaser à mort, tracer la route dans une bonne caisse, équipé de putain d'amortisseurs. Être équipé, bien foncé, décoller de la route quand on rencontre les ralentisseurs. Ami sort son compte, mais c'est plus fort que beaucoup de lascar. Normal paraît qu'à bord c'est mortel. A sec, son liquide dans le bide, son liquide en poche. Qui nous braque pour nos sacoches vides et qui roule en Porsche, qui liquide nos mioches et qui vend sous les poches. J'ai jamais cicatrisé, être autre chose que j'aurais voulu maîtriser. Comme mon lourd passé, j'ai le cœur lourd comme les poches vidées. La veine est sales idées, je l'avoue. Que le fils m'a plongé dans son trou, que le passé m'a crevé plus d'une roue. Et je continue même si je vois trou. H24 sur le terrain, faut suivre le train. Moi je suis un Algérien, je sais d'où je viens. Je m'accroche au futur, même si le passé aboie comme un chien. Ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière. Amitié passe par la porte, pas par derrière. J'en ai vu des vertes et des pas mûres en 10 ans de carrière. Dans le cœur y'a trop de peine, mon big saigne. Peux-tu me dire y'a qui auprès de toi quand t'es en chien? Quand tu bouffes des pâtes au beurre, pour bouger tu fraudes le train. Nos tragédies de vie sont silencieuses, on fume pour oublier, on fait péter la boisson. La Tessie on connaît, la Zombrie on connaît. Vite coupe séparation, on se bat pour la garde on connaît. Le passé nous rattrape, arrête de faire du fiche roya. Vas-y rap rap, la moitié de la ville au tarmi. Au micro on s'y ennuie, t'inquiète on comptera les lions mis. A chaque phrase je vise en plein dans le mille. J'ai un kiff avant que je taille pouvoir faire la traversée du Nil. Vénère, rattrapé par le passé. H, Argo, Halao Mike, Malfa, Misty, du 7700. On avait tous la rage en nous, c'est le rap qui nous a rassemblés. Tromplés à l'unisson, la même tape pas pour faire le move. Tromplés, tremblement de terre dans l'univers. Son lourd, 7-7-0, définition du rap lourd. On a poussé comme des blondes carnivores. L'or pour la gorge, des putains de soirées freestyle. On remémore, un pour le kit d'abord, deux pour ceux qui veulent notre mort. Bienvenue dans notre triste décor. Le passe et nous rattrape. On ferme dans une trappe, on se tape entre nous. On pète un cap très peu de réussite entre nous. Le cabriolet suffit pas, vous vivez dans la pierre. Dans le bordel organisé, chacun a posé sa pierre. Ouais gars, où est le rap, mêle-toi. Tout le monde a boire, tout le monde a soif et personne boit. Bois notre élixir de jouvence. H dealer, s'ils veulent rentrer dans la danse. Toujours la pénère, rattrapé par le passé. H, rythme de la noche. Ça vient du 7-7-7-7-7-7. Pénère, pénère, rattrapé par le passé. Ça va vite, mon pote. Le passé qui nous rattrape. T'as vu? Mais on lâche pas la grappe. Toujours H24 derrière notre rap. Opérationnel. Passer à la trappe. Tant de choses. Pourquoi tant de haine? Tant de bêtises qui nous ramènent. Erreur de jeu. Même point de chute. Bêtises dans cette salle.